pas de cap. Un fat décap pour la pression du mode tac. J'rappe pour les mecs qui déchirent à la chrome. L'index argenté, on connaît le symptôme. Les poseurs de flop, les brûlures, les taggers. Les mecs qui ne sortent jamais sans leur marqueur. J'rappe pour les mecs qui descendent dans le métro. Pour tous les soldats qui se tapent les dépôts. J'rappe pour les tags, les putains de bloc leaders. Pour tous les wallstyles, les persos, les stickers. Pour toutes les gravures à l'arrache sur les vitres. Pour toutes les peintures qui déchirent et font vite. J'rappe pour le grave qui perdure en photo. Et toutes les autres pièces sur cassette vidéo. J'rappe pour les filles qui sont dans le graffiti. Pour le 974 et les murs de Saint-Denis. C'est pour toi, pour ton coup, les graffeurs, les taggeurs. Pour tous les DJ, les rappeurs, les danseurs. C'est pour tous les coups qu'ils soient pro amateurs. C'est pour ceux qui bossent et qui y mettent du cœur. C'est pour toi, pour ton coup, les graffeurs, les taggeurs. Pour tous les DJ, les rappeurs, les danseurs. C'est pour tous les coups qu'ils soient pro amateurs. C'est pour ceux qui bossent et qui y mettent du cœur. J'rappe pour les mecs qui enchaînent les coupoles. Qui squattent à l'arrache les radios dans les halls. Pour tous ceux qui dansent et l'ambiance des battles. Pour tous les breakers qui enchaînent et en veulent. J'rappe pour les mecs qui font des ateliers. Qui apprennent aux plus jeunes les filons du métier. Ceux qui se cassent la tête à monter décoré. Toutes les compagnies qui commencent à tourner. J'rappe pour les kings et DJ au platine. Qui travaillent leur scratch comme on bosse à l'usine. Pour les MK2 et les fous du crossfad. Tous ceux qui font que nos soirées soient moins fades. J'rappe pour les flashs et les spots de lumière. Les mecs dans les ronds pour tout cet univers. Les soirées hip-hop qui se passent en baston. J'rappe pour les vrais et j'exclus tous les cons. C'est pour toi, pour ton coup, les graffeurs, les taggeurs. Pour tous les DJ, les rappeurs, les danseurs. C'est pour tous les cons qu'ils soient pro amateurs. C'est pour ceux qui bossent et qui y mettent du cœur. C'est pour toi, pour ton coup, les graffeurs, les taggeurs. Pour tous les DJ, les rappeurs, les danseurs. C'est pour tous les cons qu'ils soient pro amateurs. C'est pour ceux qui bossent et qui y mettent du cœur. J'rappe pour les mecs qui écoutent cette musique. Ceux qui bougent la tête quand elle passe aux techniques. J'rappe pour les mecs qui produisent les mixtapes. Qui assurent la survie de notre zik en cassette. J'rappe pour les mecs qui travaillent les pochettes. Qui font les affiches ou les sites internet. Pour toutes les assos, les petites radios. Pour tous les fanzines, c'est pour tous les accros. J'rappe pour les mecs qui produisent les instrus. Qui font que nos paroles puissent descendre dans la rue. Tous ceux qui travaillent sur un PC 2000. Tous ceux qui écoutent ces foutus bons vinyles. J'rappe pour les mecs qui bataillent au stylo. Travaillent toutes leurs phases, les balancent au micro. Tous ceux qui comme moi passent des heures à écrire. J'rappe pour tout ça et j'travaille pour l'avenir. C'est pour toi, pour ton coup, les graffeurs, les taggeurs. Pour tous les DJ, les rappeurs, les danseurs. C'est pour tous les cons qu'ils soient pro amateurs. C'est pour ceux qui bossent et qui y mettent du cœur. C'est pour toi, pour ton coup, les graffeurs, les taggeurs. Pour tous les DJ, les rappeurs, les danseurs. C'est pour tous les cons qu'ils soient pro amateurs. C'est pour ceux qui bossent et qui y mettent du cœur. C'est pour toi, pour ton coup, les graffeurs, les taggeurs. Pour tous les DJ, les rappeurs, les danseurs. C'est pour tous les cons qu'ils soient pro amateurs. C'est pour ceux qui bossent et qui y mettent du cœur. C'est pour toi, pour ton coup, les graffeurs, les taggeurs. Pour tous les DJ, les rappeurs, les danseurs. C'est pour tous les cons qu'ils soient pro amateurs. C'est pour ceux qui bossent et qui y mettent du cœur.